Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous vous proposons maintenant une découverte tout à fait inusitée des plantes, une découverte qui se fait au fil des pages d'un livre intitulé « Curieuse histoire de plantes du Canada ». C'est un livre paru aux éditions du Septentrion et qui vient de recevoir le prix Marcel Couture au Salon du Livre de Montréal. Alors ce livre nous offre de découvrir les plantes à travers l'histoire du Canada au fur et à mesure de leur découverte et de leurs usages. C'est donc un regard, un autre regard sur l'histoire et une foule d'anecdotes sur les plantes. Il est écrit par un trio d'auteurs, dont Alain Asselin, qui est professeur associé au département de phytologie à l'Université Laval. Et il est au bout du fil avec nous. Bonjour, Monsieur Asselin. Bonsoir, Valérie. Alors, tout d'abord, Monsieur Asselin, vous êtes phytologiste, c'est comme ça qu'on dit? Oui. C'est ça, donc vous êtes phytologiste à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Donc vous n'êtes pas historien. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous motiver à considérer les plantes à travers l'histoire du Canada? C'est une excellente question. C'est une question, en fait, de jeunesse, d'adolescence. J'ai eu le plaisir, lorsque j'étais au Collège de Lévis, de faire partie d'un club de sciences naturelles. Et dans ce club, les étudiants pouvaient s'adonner à des petites expérimentations, soit à l'observation des oiseaux, des plantes ou d'autres espèces. J'ai donc toujours été intéressé aux plantes, mais surtout à leurs usages, mm-hmm. c'est-à-dire à leur insertion dans l'histoire, à leur rôle dans l'histoire, à la diversité des usages. C'est donc pour moi une vieille histoire. Mm-hmm. D'accord, mais cependant, comme vous n'êtes pas historien, pour écrire ce livre, vous êtes allé chercher des spécialistes, donc vous avez deux co-auteurs. Un petit mot sur ces co-auteurs, qui sont-ils? Oui, vous avez bien raison. Après avoir initié ce projet, j'ai décidé d'avoir les savoirs d'un historien en bonne et due forme, à la personne de Jacques Mathieu, qui est professeur émérite à l'Université Laval, historien de formation et un grand spécialiste de la Nouvelle-France. Et comme co-auteur aussi, comme collaborateur, nous avons aussi Jacques Caillouette, qui est un botaniste, un spécialiste de l'identification, de la taxonomie, de la classification des plantes, qui œuvre encore à Agriculture et Agroalimentaire Canada à Ottawa. Donc, c'est un trio de spécialistes qui est à l'origine de ce livre. Alors, comme je le disais en introduction, on découvre les plantes à travers l'histoire du Canada. Puis cette histoire, faut le dire, elle remonte quand même avant l'arrivée de Jacques Cartier. Et notamment, les Vikings avaient déjà mis les pieds au Canada, quelque part dans le Vinland. Qu'est-ce que c'est ça, le Vinland? Et on a comme l'impression que ça fait référence à une hypothétique terre du vin. Qu'est-ce qu'il en est? Oui. Vous avez bien raison. Bien avant la découverte dite officielle du Canada par Jacques Cartier en 1534, il y a évidemment des évidences archéologiques très claires qui démontrent la présence, entre autres, des Vikings vers l'an 1000 à Lance-aux-Meadows à Terre-Neuve. Et sur ce site, Scandinaves et sur ces voyages, les Scandinaves ont écrit par la suite et ont utilisé un terme comme celui que vous venez d'utiliser, le Vinland, la terre du vin. Mais on doit savoir que de façon critique, ce terme veut peut-être vouloir même dire autre chose. Ce n'est pas clair, même si le terme dit Vinland et que ça suggère évidemment le vin. Et que vous parliez de vin dans votre chronique précédente, le Vinland est possiblement un terme qui décrit la terre des grains de céréales. Ce qui veut dire qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur l'histoire, entre autres des sagas scandinaves qui décrivent l'apparition et les voyages des Vikings en terre nord-américaine. Puis ensuite, bien évidemment, Jacques Cartier est arrivé et alors lui, il a noté quand même plusieurs mentions de plantes dans ses notes et il y en a une qui a joué un rôle prépondérant dans l'établissement de la colonie. Alors elle s'appelle, son nom historique, je ne sais trop, ce serait l'Aneda. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Cette plante, en fait, c'est un arbre. C'est un, le mot Annedda est un terme amérindien, iroquoien pour être plus précis, qui décrit un arbre qui conserve ses feuilles en hiver, donc un conifère, ce qui exclut le mélèze, par exemple. Mm-hmm. Et grâce à cet arbre magique, grâce à cette Annedda, l'équipage de Cartier qui était affligé de façon fort importante du scorbut, il y avait même des décès dus au scorbut, a, par imitation de recettes médicinales amérindiennes, mm-hmm. a utilisé une décoction de cette Annedda magique pour obtenir les quantités suffisantes de vitamine C pour prévenir la vitaminose, mm-hmm. pour guérir le scorbut. Et vous avez tout à fait raison de signaler que c'était une plante importante puisqu'elle a sauvé les troupes de Cartier. Oui. Alors évidemment, Jacques Cartier, on le découvre à travers votre livre, Monsieur Asselin. Donc Jacques Cartier mentionne d'autres plantes, bon comme le maïs, le tabac ou d'autres, mais il n'est pas le seul à avoir observé les plantes et les avoir répertoriées. Il y a aussi un autre arbre qui est quand même important et qui est maintenant qui fait partie de l'âme des Québécois. C'est l'arbre couton. Oui. Oui. Quel terme un peu inusité. Oui, c'est que curieux. Couton, qui en fait réfère à notre érable, à sucre. Et il est un peu cocasse de constater que notre découvreur officiel du Canada, qui a tellement mentionné pour la première fois de nombreuses plantes et qui les a utilisées à juste titre, ne fait même pas mention de cette particularité de notre paysage nord-américain. Mais par contre, d'autres auteurs contemporains de Cartier en font mention et utilisent, comme vous le soulignez à juste titre, des termes plutôt bizarres, mm-hmm. comme couton, qui n'a rien à voir avec l'érable à sucre ou une ressemblance à un érable. En fait, personne ne sait encore aujourd'hui quelle est la signification précise mm-hmm. ou l'origine de l'utilisation, de l'usage de ce terme couton. Mm-hmm. Alors, finalement, on découvre à la lecture de votre livre qu'il y a beaucoup de plantes, qu'il a été fait mention de beaucoup de plantes dans l'histoire de la Nouvelle-France, au point même qu'il a été suggéré, que Samuel de Champlain suggérait d'en faire commerce. Oui. Ça, c'est quand même une histoire, parce que finalement, c'est un langage très contemporain qu'on retrouve. Ah oui, vous avez fort raison. On croirait entendre des remarques politiques sur la fiscalité et la nécessité de revenus accrus. Notre ami fondateur de Québec, Samuel de Champlain, le 9 février 1618, se présente pompeusement, probablement, à la Chambre de commerce de Paris et doit élaborer publiquement une défense et utiliser une façon de convaincre l'Assemblée qu'il est important d'investir dans la fondation de la Nouvelle-France. Et il utilise des chiffres, et des chiffres très précis quant à l'usage de diverses ressources naturelles comme revenus. Alors, mm-hmm. et parmi ces revenus potentiels, à peu près le tiers, même un peu plus du tiers, provient de l'utilisation de revenus provenant soit des bois, soit des plantes tinctoriales, ou d'autres végétaux. Donc, les végétaux, le paysage végétal, l'univers végétal est au cœur des préoccupations initiales des premiers explorateurs qui s'installent mm-hmm. ici dans des conditions souvent difficiles. Oui. Alors, très rapidement, en fait, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, mais oui. on aurait pu parler aussi des plantes envahissantes, comment oui. le pissenlit nous est arrivé, etc. Mais il y a quand même une chose, parce qu'on découvre des choses sur les haricots, le noyer, le fraise, comment elles étaient utilisées par les autochtones pour l'alimentation, la teinture, la médecine. Mais pour découvrir tout ça, il y a le texte, il est encadré plein d'anecdotes insolites, et puis surtout il y a les illustrations. Puis je crois qu'il faut quand même parler de ça, parce que les illustrations fait justement partie des critères d'attribution du prix Marcel Couture. Donc ce livre est truffé d'anciennes cartes, des vieux dessins, des croquis de jardin, des plantes. C'est une chasse à l'image que vous avez entrepris pour dénicher toutes ces illustrations. Comment vous avez fait? Oui, c'est une chasse évidemment qui est fort intéressante et fort et qui est de plus en plus facilitée par d'une part l'accès à certains sites publics par Internet où on peut tenter de découvrir justement dans des banques d'images disponibles de ces cartes mm-hmm. ou de ces illustrations. Et de plus, nous avons la chance d'avoir des bibliothèques aussi mm-hmm. Ici au Québec et au Canada qui nous aident beaucoup, et entre autres la bibliothèque à Ottawa sur la ferme expérimentale mmh. Agriculture et agroalimentaire Canada a été pour nous une source importante d'illustrations d'époque. Mmh. Alors finalement, il faut dire que ce livre est à la fois un travail historique et scientifique. D'ailleurs, il est appuyé par beaucoup de références bibliographiques à la fin de chaque chapitre. Et en même temps, il offre une lecture facile et presque ludique pour quiconque veut découvrir les plantes qui l'entourent. Alors, félicitations, Monsieur Asselin, ainsi que merci beaucoup à vous, ainsi que vos co-auteurs. C'est un beau livre que vous nous offrez, un livre qui mêle des histoires de plantes à l'histoire du Canada. Donc, je rappelle le titre du livre, Curieuse histoire de plantes du Canada, aux éditions Septentrion. Et je rappelle qu'Alain Asselin est professeur associé au département de phytologie à l'Université Laval. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Asselin. Merci beaucoup et au plaisir. Au revoir.